écouter ma sérénade. Sérénade sans espoir, chaque soir, tendrement, je viens chanter sous ta fenêtre, chaque soir, je soupire des mots d'amour sans te voir. Ce n'est qu'une sérénade, la la, sérénade sans espoir. Il fait noir dans la nuit, je voudrais tant te voir paraître, mais hélas, sur la route et dans ta maison, il fait noir. La la, nul n'entend ma sérénade. La la, sérénade sans espoir. J'ai beau prendre un accent caressant et ma voix la plus tendre, mais le vent et la nuit qui s'enfuient sont les seuls à m'entendre. La la, nul n'entend ma sérénade. Chaque soir, tristement, je viens chanter ta fenêtre, chaque soir, je m'en vais sans t'attendrir et sans te voir. Sérénade sans espoir, sérénade sans espoir.